Allô? Allô, Lino? Bonjour. Ah, merde. La messagerie du 06 70 13 56 80. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Allô? Bon, c'est Rabesi. Écoute-moi bien. On vient de me dire que tu refaisais un nouvel album, le comeback de Lino. Je suis obligé de t'appeler, mon frère, parce que je suis fan. Et il faut que je te prévienne, le showbiz, il a changé. Donc je vais te donner 2-3 petits conseils avant que tu y retournes. Et fais-moi confiance, en route vers le top 50. Première chose, le rap, il a changé. Écoute bien, je sais pas pourquoi je parle doucement, mais le rap, il a changé. Faut pas que tu fasses des sujets nerveux, faut pas que tu parles de trucs chelous. Parle de trucs que tout le monde aime aujourd'hui. Tout le monde aime le champagne, parle du champagne par exemple. Voilà, fais des textes sur le champagne. Pour le clip, on peut te fournir une super Lamborghini, une belle voiture complètement autotunée. On va autotuner la voiture, on va autotuner le champagne, on va t'autotuner toi. On peut... On a des gars lourds, des gars fat, des gars avec des cicatrices, des gars avec descendants, des mecs, tu leur demandes de roter, ils rotent. Tu rotes, hop, ça rote. Le mec, tu fais pas le nerveux. Bon, ça va, on les a pour 80€ par jour. Les Lacoste, t'oublies, hein. C'est Vuitton aujourd'hui. Voilà, j'ai un plan Vuitton, t'inquiète. Voilà, donc j'ai fini. Et si tu m'écoutes, et si tu fais tout, t'as une chance d'aller chez Drucker. Donc rappelle-moi et dis-moi ce que t'en penses.